Bonjour et bienvenue à Viva Sendino. Ça fait 2 semaines que vous êtes sans nouvelles de moi. C'est que je suis partie en tournage d'un documentaire sur la situation de l'eau au Nicaragua, Honduras et El Salvador. Tout un périple, tout un voyage professionnel, parce que c'était la première fois que je faisais dans la télévision. Mais ça a été surtout de très très belles rencontres. Et l'eau, bon, c'est peut-être un peu cliché, c'est source de vie, mais on se rend compte comment des gens doivent lutter quotidiennement pour y avoir accès. C'est pas juste une réalité en Afrique, mais c'est aussi une réalité en Amérique centrale où il n'y a pas partout de l'eau courante, de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation. Donc les gens font des pieds et des mains pour avoir accès à l'or bleu. Dans mon périple, j'ai surtout fait de belles rencontres, comme je vous le disais, et j'aimerais vous en parler cette semaine. Il faut comprendre que dans Honduras, au El Salvador et au Nicaragua, il y a ce qu'on appelle le climat du tropique sec. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que l'eau, elle est très abondante, mais elle n'est pas très bien répartie tout au long de l'année. Il y a une période de sécheresse et il y a une période de pluie. Et là, ben, rajouter pauvreté, une terre infertile et des gouvernements corrompus, et là, vous allez avoir une belle bouette. J'ai rencontré un fermier qui a vraiment des yeux bleus superbes avec son chapeau de cow-boy qui nous a montré généreusement son champ. On est présentement dans la période des pluies, mais lorsqu'il a semé, la terre était bonne, ça s'annonçait bien, on sème pendant la période des pluies, mais il n'y a pas suffisamment plu pour que son maïs grandisse, devienne gros et qu'il puisse le vendre au marché. En fait, dans ses mains, il y avait un épi de maïs à 3 grains. Pas 3 couleurs, mais à 3 grains. Et là, paradoxalement, il attend pour semer une deuxième fois, il n'a que 2 possibilités de récolte pendant l'année parce que ça dure juste 6 mois, la période des pluies. Et là, ben, il a trop plu et il peut pas semer. La terre est trop humide. Donc, il est très, très, très inquiet parce qu'il sait pas s'il va arriver à faire pousser la nourriture nécessaire pour sa famille. J'ai rencontré aussi une femme qui, elle, c'est pas dans un contexte d'agriculture. Elle est en ville. Ben, je vous dirais une banlieue, là, avec des maisons en terre battue et en adobe, là. Elle reçoit de l'eau dans sa maison avec des tuyaux et un puits, mais elle s'inquiète parce que pendant la période des pluies, l'eau des latrines se mêle à l'eau des pluies. Donc, l'eau qu'elle va puiser au puits, elle pense qu'elle est contaminée. Et elle le voit, elle, de très près qu'elle est contaminée, cette eau-là, parce qu'elle est, en quelque sorte, une volontaire en santé. Elle a reçu, il y a 5 ans, une formation de la coopération suisse pour pouvoir identifier les gens malades de son village, donc pouvoir faire un diagnostic rapide et de les référer au centre de santé. Donc, les maladies liées à l'eau, elle les voit, elle les connaît et elles sont quotidiennes. Il y a des enfants qui sont malades par la diarrhée, qui meurent toujours à cause de l'eau qu'ils consomment. Donc, c'est une femme qui est très consciente de sa situation. Et puis, des fois, elle va acheter de l'eau. Elle va acheter de l'eau en sac, en tout petit sac de 250 millilitres parce que son budget ne lui permet pas d'acheter des gallons d'eau. Peuvent dépenser 25 lempiras par jour pour des sacs d'eau. Puis elle me disait que le salaire que ses fils rapportent, c'est grosso modo 70 lempiras. Donc un peu, petit peu moins de la moitié de son salaire va à l'achat de l'eau. Mais quand le budget le permet pas, bien, elle se résigne puis elle boit de l'eau contaminée. Et ça, bien, c'est le lot de plusieurs villageois, justement, en Amérique centrale, les endroits où on est allé. Dans ce périple-là, je me suis rendu compte que, comme bien d'autres enjeux, l'eau en Amérique centrale, c'est surtout une question de sous. Comme je vous rappelle, l'eau, elle est là, elle est abondante, elle est juste pas répartie correctement pendant l'année. Donc, ils ont besoin justement d'aide pour pouvoir avoir une bonne maîtrise sur cette ressource-là. Je vous donne un exemple pourquoi c'est une question d'argent. On a visité un village qui était très, très, très, très loin. Et puis là, il y a un village qui, il y a 25 ans, ont reçu l'aide d'une banque allemande pour justement bâtir un système d'aqueduc parce que le village est très près d'une source d'eau. Privilégier ce village. Mais là, 25 ans plus tard, il faut mettre ce système-là à jour. La banque allemande, elle n'est plus du tout dans le décor. Donc, quand ils ont vu des coopérants canadiens arriver dans le village, eh bien, ils ont beaucoup, beaucoup sollicité notre aide, surtout financière. Un autre endroit, je vous dirais, mais là, c'est peut-être une question de sous et aussi une question de connaissance. On a rencontré une ferme qui s'appelle justement Nouvelle Vie. Cette ferme-là, elle est vraiment superbe. Elle est menée par un homme qui a 72 ans, qui lui a eu la chance d'hériter de bonnes terres et de nombreuses terres de son père. Donc, c'est une personne de moyens. Et on dit qu'en période de sécheresse dans la vallée, il n'y a qu'une seule ferme qui est verte, et c'est la sienne. Et il était très, très, très, très, très ingénieux, ce bonhomme. Et en fait, les étudiants de l'université au département d'agronomie vont visiter sa ferme pour tirer des leçons de son approche et de sa gestion de l'eau. Donc, le savoir est là. Les gens et la volonté, ça c'est certain, mais il manque de moyens. Et comme je vous dis, il y a vraiment des gens qui se démènent. Et à chaque dimanche, il y a un groupe d'une ONG locale en environnement. Ils se spécialisent en environnement. Donc, il y a une conscience environnementale, ou en tout cas, il y a des gens qui veulent la semer, cette conscience-là. Et donc, à chaque dimanche, ils font une émission de radio d'une heure sur justement les enjeux environnementaux de la région. Et pour nous accommoder, pour des raisons de tournage, ils ont fait une émission basée sur le thème de l'eau. Et je vous dirais que les gens appelaient, les gens se sont manifestés, les gens se préoccupent de la qualité de leur eau. Et ils parlaient de contamination, d'enfants malades. Bref, ça a été un périple très humilisant parce que on est choyé au Canada, on a de l'eau, on en a beaucoup. Et si vous regardez les données de l'UNESCO et de l'ONU, le Canada est un des pires consommateurs d'eau. Les Canadiens consomment 350 litres par jour. Donc, on n'est pas très bon joueur dans ce dossier-là. Ben, je vous laisse sur ces réflexions-là. Moi, je reste avec mes rencontres, les beaux visages, les beaux yeux remplis d'espoir, d'enfants aussi qui jouaient les deux pieds dans l'eau, qui se baignaient à la rivière parce qu'il faisait bien chaud, tout à côté de deux jeunes filles qui lavaient le lavage de la semaine. Bref, c'est humilisant. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.